encore, Sam. Tu m'entends? Ouais, je pense. Jérôme? Jérôme? Tu m'entends? Ouais, toi, tu m'entends? Oui, moi je t'entends, et toi? Et toi, tu m'entends? Et toi? Tu m'entends? Non, tu m'entends, sérieux, est-ce que tu m'entends? Ouais. Ouais, tu m'entends. Ouais. Ouais. Hey yo, tu m'entends là ou pas? Ouais. Et toi, tu m'entends? Ouais. Regarde, je marque. Ouais, tu Bah oui, je m'entends? t'entends. Dis... Ouais. Non, sérieux, tu m'entends ou pas? Ouais, je t'entends. Arrête, mais pourquoi? Ouais. Depuis avant, je te parlais en soirée et tu m'entendais pas. C'est Ouais. bizarre. C'est bizarre, je te parlais. Mais alors, vas-y, si je te dis cactus, Ouais. tu peux me dire cactus? Cactus. Bon? Mais là, tu Vas-y, je veux m'entends? voir combien de temps tu mets. On s'entend. Cactus. Ouais, moi je t'entends super bien et toi tu... Ouais, mais dis cactus, dis chaussures pour... Cactus. Dis chaussures pour voir combien de temps ça met à venir. Quoi? Dis chaussures. En fait, tu m'entends pas quand je réponds. Putain, c'est long pour les C'est chaussures, oh putain. hallucinant. Chaussures. Vas-y, appelle-moi sur mon tel, là, s'il te plaît. Chaussures. Ça va être plus simple. Chaussures. Chaussures. Chaussures. Je comprends. Ça vient pas. Oui, c'est moi. Oui, j'ai dit Une chaussures. minute après. Une minute après. C'est la folie. Ok.